Nombre chapitre 7. Or il arriva le jour que Moïse eut achevé de dresser le pavillon, et qu'il l'oint, et l'eut sanctifié avec tous ses ustensiles, et l'autel avec tous ses ustensiles, il arriva, dis-je, après qu'il les eut oints et sanctifiés, que les principaux d'Israël, et les chefs des familles de leurs pères, qui sont les principaux des tribus, et qui avaient assisté à faire les dénombrements, firent leur oblation. Et ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, savoir, 6 chariots couverts, et 12 bœufs, chaque chariot pour deux des principaux, et chaque bœuf pour chacun d'eux, et ils les offrirent devant le pavillon. Alors l'Éternel parla à Moïse, en disant, prends ces choses d'eux, et elles seront employées au service du tabernacle d'assignation, et tu les donneras aux Lévites, à chacun selon son emploi. Moïse donc prit les chariots et les bœufs, et les donna aux Lévites. Il donna aux enfants de Guerson 2 chariots et 4 bœufs, selon leur emploi. Mais il donna aux enfants de Merari 4 chariots et 8 bœufs, selon leur emploi, sous la conduite d'Ithamar, fils d'Aaron, sacrificateur. Or il n'en donna point aux enfants de Kehath, parce que le service du sanctuaire était de leur charge, ils portaient sur les épaules. Et les principaux offrirent pour la dédicace de l'autel, le jour qu'il fut loin, les principaux, dis-je, offrirent leur offrande devant l'autel. Et l'Éternel dit à Moïse, un des principaux offrira un jour, et un autre l'autre jour, son offrande pour la dédicace de l'autel. Le premier jour donc, Naasson, fils de Aminadab, offrit son offrande pour la tribu de Juda. Et son offrande fut un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux pleins de fine farine, pétris à l'huile, pour le gâteau. Une tasse d'or de 10 sicles, pleine de parfum. Un veau pris du troupeau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'holocauste. Un jeune bouc pour l'offrande pour le péché. Et pour le sacrifice de prospérité, 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs, et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Naasson, fils de Aminadab. Le second jour Nathanaël, fils de Tsuar, chef de la tribu d'Issachar, offrit. Et il offrit pour son offrande, un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux pleins de fine farine, pétris à l'huile, pour le gâteau. Une tasse d'or de 10 sicles, pleine de parfum. Un veau pris du troupeau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'holocauste. Un jeune bouc pour l'offrande pour le péché. Et pour le sacrifice de prospérité, 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs, et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nathanaël, fils de Tsuar. Le troisième jour, Eliab, fils d'Élon, chef des enfants de Zabulon, offrit. Son offrande fut un plat d'argent, du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux pleins de fine farine, pétris à l'huile pour le gâteau. Une tasse d'or de 10 sicles, pleine de parfum. Un veau pris du troupeau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'holocauste. Un jeune bouc pour l'offrande pour le péché. Et pour le sacrifice de prospérité, 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs, et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils d'Élon. Le quatrième jour, Elitsur, fils de Sédéur, chef des enfants de Ruban, offrit. Son offrande fut un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux pleins de fine farine, pétris à l'huile, pour le gâteau. Une tasse d'or de 10 sicles, pleine de parfum. Un veau pris du troupeau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'holocauste. Un jeune bouc pour l'offrande pour le péché. Et pour le sacrifice de prospérité, 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs, et 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Elitsur, fils de Sédéur. Le cinquième jour, Selumiel, fils de Tsurizadaï, chef des enfants de Siméon, offrit. Son offrande fut un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le sicle du sanctuaire, tous deux pleins de fine farine, pétris à l'huile, pour le gâteau. Une tasse d'or de 10 sicles, pleine de parfum. Un veau pris du troupeau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'holocauste. Un jeune bouc pour l'offrande pour le péché.

cinq boucs, et cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Aïra, fils d'Enan. Telle fut la dédicace de l'autel qui fut faite par les principaux d'Israël, lorsqu'il fut loin, 12 plats d'argent, 12 bassins d'argent, 12 tasses d'or. Et chaque plat d'argent était de 130 cycles, et chaque bassin de 70. Tout l'argent des vaisseaux montait à 2400 cycles, selon le cycle du sanctuaire. 12 tasses d'or, pleines de parfums, chacune de 10 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Tout l'or donc des tasses montait à 620 cycles. Tous les taureaux pour l'holocauste étaient 12 veaux, avec 12 béliers, et 12 agneaux d'un an, avec leurs gâteaux, et 12 jeunes boucs pour l'offrande pour le péché. Et tous les taureaux du sacrifice de prospérité étaient 24 veaux, avec 60 béliers, 60 boucs, et 60 agneaux d'un an. Telle fut donc la dédicace de l'autel, après qu'il fut loin. Et quand Moïse entrait au tabernacle d'assignation, pour parler avec Dieu, il entendait une voix qui lui parlait de dessus le propitiatoire qui était sur l'arche du témoignage, d'entre les deux chérubins, et il lui parlait.